Chapitre 31e, le brevet de Zamore. Madame, dit la favorite à la comtesse, parlez, je vous écoute. Permettez, ma sœur, dit Jean, demeura debout, permettez que j'empêche madame d'avoir l'air de vous solliciter. Madame, n'y pensez pas le moins du monde. Monsieur le chancelier l'a chargé d'une commission pour vous, voilà tout. Madame de Béarn jeta un regard plein de reconnaissance sur Jean, et tendit à la comtesse le brevet signé par le vice-chancelier, lequel brevet érigeait Lucienne en château royal et confiait à Zamore le titre de son gouverneur. « C'est donc moi qui suis votre obligée, madame, » dit la comtesse, après avoir jeté un coup d'œil sur le brevet. « Et si j'étais assez heureuse pour trouver une occasion de vous être agréable à mon tour ? Oh, ça serait facile, madame !» s'écria la plaideuse avec une vivacité qui enchanta les deux associés. « Comment cela, madame ? Dites, je vous prie. » Puisque vous voulez bien me dire, madame, que mon nom ne vous est pas tout à fait inconnu. Comment donc, une Béarn ? Eh bien, vous avez peut-être entendu parler d'un procès qui laisse vagues les biens de ma maison. Disputé par messieurs de Saluces, je crois. Hélas, oui, madame. Oui, oui, je connais cette affaire, dit la comtesse. Sa Majesté en parlait l'autre soir chez moi à mon cousin, monsieur de Maupoux. Sa Majesté ? S'écria la plaideuse. Sa Majesté a parlé de mon procès ? Oui, madame. Et en quels termes ? « Hélas, pauvre comtesse !» s'écria à son tour Madame du Barry en secouant la tête. « Ah, procès perdu, n'est-ce pas ?» fit la vieille plaideuse avec angoisse. « S'il faut vous dire la vérité, je le crains bien, madame. Sa Majesté l'a dit. » « Sa Majesté, sans se prononcer, car elle est pleine de prudence et de délicatesse, Sa Majesté semblait regarder ses biens comme déjà acquis à la famille de Saluces. « Oh, mon Dieu, madame ! Si Sa Majesté était au courant de l'affaire, si elle savait que c'est par cession à la suite d'une obligation remboursée. Oui, madame, remboursée. Les 200 000 francs ont été rendus. Je n'en ai pas les reçus, certainement, mais j'en ai les preuves morales. Et si je pouvais, devant le Parlement, plaider moi-même, je démontrerais par déduction, interrompit la comtesse, qui ne comprenait absolument rien à ce que lui disait madame de Béarn, mais qui paraissait néanmoins donner la plus sérieuse attention à son plaidoyer. Oui, madame, par déduction. « La preuve par déduction est admise, dit Jean. »« Ah, le croyez-vous, monsieur le vicomte ?» s'écria la vieille. « Je le crois, » répondit le vicomte avec une suprême gravité. « Eh bien, par déduction, je prouverai que cette obligation de 200 000 livres, qui, avec les intérêts accumulés, forme aujourd'hui un capital de plus d'1 000 000, je prouverai que cette obligation, en date de 1400, a dû être remboursée par Guy Gaston IV, comte de Béarn, à son lit de mort, en 1417, puisqu'on trouve de sa main dans son testament, sur mon lit de mort, ne devant plus rien aux hommes, et prêt à paraître devant Dieu. « Eh bien, dit la comtesse, eh bien, vous comprenez. S'il ne devait plus rien aux hommes, c'est qu'il s'était acquitté avec les Saluces. Sans cela, il aurait dit « devant 200 000 livres » au lieu de dire « ne devant rien ». Incontestablement, il l'eût dit, interrompit Jean. « Mais vous n'avez pas d'autre preuve ?»« Que la parole de Gaston IV, non, madame, mais c'est celui que l'on appelait l'irréprochable. » Tandis que vos adversaires ont l'obligation. Oui, je le sais bien. Oui, je le sais bien, dit la vieille. Et voilà justement ce qui embrouille le procès. Elle aurait dû dire ce qui l'éclaircit. Mais madame de Béarn voyait les choses à son point de vue. Ainsi, votre conviction à vous, madame, c'est que les Saluces sont remboursés, dit Jean. Oui, monsieur le vicomte, dit madame Béarn avec élan. C'est ma conviction. Eh, mais, reprit la comtesse, en se tournant vers son frère d'un air pénétré, savez-vous, Jean, que ces déductions, comme dit madame de Béarn, changent terriblement l'aspect des choses. « Terriblement, oui, madame, » dit Jean. « Terriblement pour mes adversaires, » continua la comtesse. « Les termes du testament de Gaston IV sont positifs, ne devant plus rien aux hommes. »« Non seulement c'est clair, mais c'est logique, » dit Jean. « Il ne devait plus rien aux hommes, donc il avait payé ce qu'il leur devait. »« Donc, il avait payé, » répéta à son tour madame du Barry. « Ah, madame, que n'êtes-vous mon juge ?» s'écria la vieille comtesse. « Autrefois, dit le vicomte Jean, dans un cas pareil, on n'eût pas eu recours aux tribunaux, et le jugement de Dieu eût vidé l'affaire. Quant à moi, j'ai une telle confiance dans la beauté de la cause que je le jure, si un pareil moyen était encore en usage, que je m'offrirais pour le champion de madame. « Oh, monsieur, c'est comme cela. D'ailleurs, je ne ferai que ce que fit mon aïeul du Barrymore, qui eut l'honneur de s'allier à la famille royale de Stuart lorsqu'il combattit en Champclos pour la jeune et belle Édith de Scarborough et qu'il fit avouer à son adversaire qu'il avait menti par la gorge. Mais, malheureusement, continua le vicomte avec un soupir de dédain. Nous ne vivons plus dans ces glorieux temps. Et les gentilshommes, lorsqu'ils discutent leurs droits, doivent aujourd'hui soumettre la cause au jugement d'un tas de robins, qui ne comprennent rien à une phrase aussi claire que celle-ci. « Ne devons plus rien aux hommes. » Écoutez donc, cher frère, il y a 300 ans passé que cette phrase a été écrite, hasarda Madame du Barry. Et il faut faire la part de ce qu'au palais on appelle, je crois, la prescription. « N'importe, n'importe, » dit Jean. « Je suis convaincu que si Sa Majesté entendait Madame exposer son affaire, comme elle vient de le faire devant nous... » « Oh, je la convaincrai, n'est-ce pas, monsieur? J'en suis sûr. Et moi aussi. »« Oui, mais comment me faire entendre ? » ?»« Il faudrait pour cela que vous me fissiez l'honneur de me venir voir un jour à Lucienne, et comme Sa Majesté me fait la grâce de m'y visiter assez souvent. »« Oui, sans doute, ma chère, mais tout cela dépend du hasard. »« Vicomte, » dit la comtesse avec un charmant sourire, « vous savez que je me fie assez au hasard. »« Je n'ai pas à m'en plaindre. » Et cependant le hasard peut faire que de 8 jours, de 15 jours, de 3 semaines, Madame ne se rencontre pas avec Sa Majesté. C'est vrai. En attendant, son procès se juge lundi ou mardi. Mardi, monsieur. Et nous sommes à vendredi soir. Ou alors, dit Madame du Barry d'un air désespéré, il ne faut plus compter là-dessus. Comment faire ? Dit le vicomte paraissant rêver profondément. Diable, diable. Une audience à Versailles ? Dit timidement Madame de Béarn. « Oh, vous ne l'obtiendrez pas. »« Avec votre protection, madame. »« Oh, ma protection n'y ferait rien. » Sa Majesté a horreur des choses officielles, et dans ce moment-ci, elle n'est préoccupée que d'une seule affaire. « Celle des parlements ?» demanda Madame de Béarn. « Non, celle de ma présentation. »« Ah ?» fit la vieille plaideuse. « Car vous savez, madame, que malgré l'opposition de Monsieur de Choiseul, malgré les intrigues de Monsieur de Pralin, et malgré les avances de Madame de Gramont, le roi a décidé que je serais présenté. « Non, non, madame, je ne le savais pas, » dit la plaideuse. « Oh, mon Dieu, oui, décidé, » dit Jean. « Et quand aura lieu cette présentation, madame ? » ?»« Très prochainement. » »« Voilà, le roi veut que la chose ait lieu avant l'arrivée de Madame la Dauphine, afin de pouvoir emmener ma sœur aux fêtes de Compiègne. »« Ah, je comprends. Alors madame est en mesure d'être présentée ?» fit timidement la comtesse. « Mon Dieu, oui. Madame la baronne d'Aloigny. Connaissez-vous Madame la baronne d'Aloigny ? Non, monsieur, hélas, je ne connais plus personne. Il y a 20 ans que j'ai quitté la cour. Eh bien, c'est Madame la baronne d'Aloigny qui lui sert de marraine. Le roi la comble, cette chère baronne. Son mari est chambellan. Son fils passe aux gardes avec promesse de la première lieutenance. Sa baronnie est érigée en comté. Les bons sur la cassée du roi sont permutés contre les actions de la ville. Et le soir de la présentation... Elle recevra 20 000 écus comptant. Aussi, elle presse, elle presse. Je comprends cela, dit la comtesse de Béarn avec un gracieux sourire. Ah, mais j'y pense, s'écria Jean. À quoi ? Demanda Madame du Barry. Quel malheur, ajouta-t-il en bondissant sur son fauteuil. Quel malheur que je n'ai pas rencontré 8 jours plus tôt, madame, chez notre cousin, le vice-chancelier. Eh bien. Nous n'avions aucun engagement avec la baronne d'Aloigny à cette époque-là. « Mon cher, » dit Madame du Barry, « vous parlez comme un sphinx, je ne vous comprends pas. »« Vous ne comprenez pas ? » ?»« Non. »« Je parie que Madame comprend. »« Pardon, monsieur, mais je cherche en vain. »« Il y a 8 jours, vous n'aviez pas de marraine, sans doute. »« Eh bien, madame, je m'avance peut-être trop. »« Non, monsieur, dites. »« Madame vous en eût servi. »« Et ce qu'il fait pour Madame d'Aloigny, » le roi l'eût fait pour madame. » La plaideuse ouvrait de grands yeux. « Hélas, » dit-elle. « Ah, si vous saviez, » continua Jean, « quelle grâce le roi a mise à lui accorder toutes ses faveurs. Il n'a pas été besoin de les lui demander, il a été au-devant. Dès qu'on lui eut dit que la baronne d'Aloigny s'offrait pour être marraine de Jeanne, « à la bonne heure, » a-t-il dit, « je suis là de toutes ces drôlesses qui sont plus fières que moi, à ce qu'il paraît. Comtesse, vous me présenterez cette femme, n'est-ce pas ? A-t-elle un bon procès, un arriéré, une banqueroute ? Les yeux de la comtesse se dilataient de plus en plus. « Seulement, a ajouté le roi, une chose me fâche. »« Ah, une chose fâchait Sa Majesté ? Oui, une seule. »« Une seule chose me fâche, c'est que pour présenter Madame du Barry, j'eusse voulu un nom historique. » Et en disant ces paroles, Sa Majesté regardait le portrait de Charles Ier par Van Dyck. « Oui, je comprends, » dit la vieille plaideuse. Sa Majesté disait cela à cause de cette alliance des Dubarrymore avec les Stuarts dont vous parliez tout à l'heure. justement. Le fait est, dit Madame de Béarn, avec une intention impossible à rendre, le fait est que les Daloigny, je n'ai jamais entendu parler de cela. Bonne famille, cependant, dit la comtesse, qui a fourni ses preuves, ou à peu près. Ah, mon Dieu! S'écria tout à coup Jean en se soulevant sur son fauteuil à la force du poignet. Eh bien, qu'avez-vous? Fit Madame du Barry, ayant toutes les peines du monde à s'empêcher de rire en face des contorsions de son beau-frère. Monsieur s'est piqué, peut-être? Demanda la vieille plaideuse avec sollicitude. Non, dit Jean en se laissant doucement retomber. Non, c'est une idée qui me vient. Quelle idée? Dit la comtesse en riant. Elle vous a presque renversé. Elle doit être bien bonne. Et puis Madame Béarn. Excellente. Dites-nous-la, alors. Seulement, elle n'a qu'un malheur, lequel? Elle est impossible à exécuter. Dites toujours. En vérité, j'ai peur de laisser des regrets à quelqu'un. N'importe. Allez, vicomte, allez. Je pensais que, si vous faisiez part à Madame Daloigny de cette observation que faisait le roi en regardant le portrait de Charles Ier. Oh, ce serait peu obligeant, vicomte, c'est vrai. Alors n'y pensons plus. La plaideuse poussa un soupir. C'est fâcheux, continua le vicomte comme se parlant à lui-même. Les choses allaient toutes seules. Madame, qui a un grand nom et qui est une femme d'esprit, s'offrait à la place de la baronne Daloigny. Elle gagnait son procès. Monsieur de Béarn-Fils avait une lieutenance dans la maison. Et comme Madame a fait de grands frais pendant les différents voyages que ce procès l'a contrainte de faire à Paris, on lui donnait un dédommagement. Ah, une pareille fortune ne se rencontre pas deux fois dans la vie. Hélas non, ne put s'empêcher de dire Madame de Béarn étourdie par ce coup imprévu. Le fait est que, dans la position de la pauvre plaideuse, tout le monde eût dit comme elle, et comme elle, fut resté écrasé dans le fond de son fauteuil. Là, vous voyez mon frère, dit la comtesse avec un accent de profonde commisération. Vous voyez que vous avez affligé, madame. N'était-ce pas assez à moi que de lui prouver que je ne pouvais rien demander au roi avant ma présentation? Oh, si je pouvais faire reculer mon procès. De 8 jours seulement, dit du Barry. Oui, de 8 jours, dit madame de Béarn. Dans 8 jours, madame sera présentée. Oui, mais le roi sera à Compiègne dans 8 jours. Le roi sera au milieu des fêtes. La dauphine sera arrivée. C'est juste, dit Jean, mais quoi? Attendez donc, encore une idée. Laquelle, monsieur? Laquelle? Dit la plaideuse. Il me semble. Oui, non. Oui, oui, oui. Madame de Béarn répétait avec anxiété les monosyllabes de Jean. Vous avez dit oui, monsieur le vicomte? Dit-elle. Je crois que j'ai trouvé le joint. Dites. Écoutez ceci. Nous écoutons. Votre présentation est encore un secret, n'est-ce pas? Sans doute. Madame seule. Oh, soyez tranquille, s'écria la plaideuse. Votre présentation est donc un secret. On ignore que vous avez trouvé une marraine. Sans doute. Le roi veut que la nouvelle éclate comme une bombe. Nous y sommes cette fois. Bien sûr, monsieur le vicomte, demanda madame de Béarn. Nous y sommes, répéta Jean. Les oreilles s'ouvrirent, les yeux se dilatèrent. Jean rapprocha son fauteuil des deux autres fauteuils. Madame, par conséquent, ignore comme les autres que vous allez être présentée et que vous avez trouvé une marraine. Sans doute. Je l'ignorais si vous ne me l'eussiez pas dit. Vous êtes censé ne pas nous avoir vus, donc vous ignorez tout. Vous demandez audience au roi. Mais madame la comtesse prétend que le roi me refusera. Vous demandez audience au roi en lui offrant d'être la marraine de la comtesse. Vous comprenez? Vous ignorez qu'elle en a une. Vous demandez donc audience au roi en vous offrant d'être la marraine de ma sœur. De la part d'une femme de votre rang, la chose touche sa majesté. Sa majesté vous reçoit, vous remercie, vous demande ce qu'elle peut faire pour vous être agréable, vous entamez l'affaire du procès, vous faites valoir vos déductions. Sa majesté comprend, recommande l'affaire, et votre procès, que vous croyez perdu, se trouve gagné. Madame du Barry fixait sur la comtesse des regards ardents. Celle-ci sentit probablement le piège. « Oh, moi, chétive créature, dit-elle vivement, comment voulez-vous que sa majesté ?»« Il suffit, je crois, dans cette circonstance d'avoir montré de la bonne volonté, dit Jean. « S'il ne s'agit que de bonne volonté, dit la comtesse, hésitant. « L'idée n'est point mauvaise, reprit Madame du Barry en souriant. « Mais peut-être que, même pour gagner son procès, Madame la comtesse répugne à de pareilles supercheries. »« À de pareilles supercheries, reprit Jean. « Par exemple ?» Et qui les saura, je vous le demande, ces supercheries. Madame a raison, reprit la comtesse, espérant se tirer d'affaire par ce biais, et je préférerais lui rendre un service réel, pour me concilier réellement son amitié. C'est en vérité, on ne peut plus gracieux, dit madame du Barry avec une légère teinte d'ironie, qui n'échappa point à madame de Béarn. Eh bien, j'ai encore un moyen, dit Jean. Un moyen? Oui. De rendre ce service réel? Ah, ça, vicomte, dit madame du Barry, vous devenez poète, prenez garde. Monsieur de Beaumarchais n'a pas dans l'imagination plus de ressources que vous. La vieille comtesse attendait avec anxiété l'exposition de ce moyen. Raillerie à part, dit Jean. Voyons, petite sœur, vous êtes bien intime avec madame d'Alboigny, n'est-ce pas? Si je le suis, vous le savez bien. Se formalisera-t-elle de ne point vous présenter? Dame, c'est possible. Il est bien entendu que vous n'irez pas lui dire à brûle-pourpoint ce que le roi a dit, c'est-à-dire qu'elle était de bien petite noblesse pour une pareille charge. Mais vous êtes femme d'esprit, vous lui direz autre chose. Eh bien, demanda Jeanne. Eh bien, elle céderait à madame cette occasion de vous rendre service et de faire fortune. La vieille frissonna. Cette fois, l'attaque était directe. Il n'y avait pas de réponse évasive possible. Cependant, elle en trouva une. Je ne voudrais pas désobliger cette dame, dit-elle. Et entre gens de qualité, on se doit des égards. Madame du Barry fit un mouvement de dépit que son frère calma d'un signe. Notez bien, madame, que je ne vous propose rien. Vous avez un procès, cela arrive à tout le monde. Vous désirez le gagner, c'est tout naturel. Il paraît perdu, cela vous désespère. Je tombe au milieu de ce désespoir. Je me sens ému de sympathie pour vous. Je prends intérêt à cette affaire qui ne me regarde pas. Je cherche un moyen de la faire tourner à bien quand elle est déjà aux trois quarts tournée à mal. J'ai tort, n'en parlons plus. Et Jean se leva. Oh, monsieur ! S'écria la vieille avec un serrement de cœur, qui lui fit apercevoir les du Barry, jusqu'alors indifférents, ligués désormais eux-mêmes contre son procès. Oh, monsieur, tout au contraire, je reconnais, j'admire votre bienveillance. Moi, vous comprenez, reprit Jean avec une indifférence parfaitement jouée, que ma sœur soit présentée par madame d'Alloigny, par madame de Polastron ou par madame de Béarn, peu m'importe. Mais sans doute, monsieur. Seulement, eh bien, je l'avoue, j'étais furieux que les bienfaits du roi tombassent sur quelque mauvais cœur, qui, gagné par un intérêt sordide, aurait capitulé devant notre pouvoir, comprenant l'impossibilité de l'ébranler. Oh, c'est ce qui arriverait probablement, dit madame du Barry. Tandis, continua Jean, tandis que madame, qu'on n'a pas sollicitée, que nous connaissons à peine, et qui s'offre de bonne grâce enfin, me paraît digne en tout point de profiter des avantages de la position. La plaideuse allait peut-être réclamer contre cette bonne volonté dont lui faisait honneur le vicomte, mais madame du Barry ne lui en donna pas le temps. Le fait est, dit-elle, qu'un pareil procédé enchanterait le roi, et que le roi n'aurait rien à refuser à la personne qu'il aurait eue. Comment ? Le roi n'aurait rien à refuser, dites-vous ? C'est-à-dire qu'il irait au-devant des désirs de cette personne, c'est-à-dire que de vos propres oreilles, vous l'entendriez dire au vice-chancelier « Je veux qu'on le soit agréable à madame de Béarn. Entendez-vous, monsieur de Maupoux ?» Mais il paraît que madame la comtesse voit des difficultés à ce que cela soit ainsi. « C'est bien. Seulement, ajouta le vicomte en s'inclinant, j'espère madame me saura gré de mon bon vouloir. » « J'en suis pénétré de reconnaissance, monsieur, s'écria la vieille. « Oh, bien gratuitement, dit le galant vicomte. « Mais, reprit la comtesse, madame. « Mais madame d'Alloigny ne cédera point son droit, dit la plaideuse. « Alors nous revenons à ce que nous avons dit d'abord. Madame n'en sera pas moins offerte, et sa majesté n'en sera pas moins reconnaissante. Mais, en supposant que madame d'Alloigny accepta, dit la comtesse, qu'il cavait au pire pour voir clairement au fond des choses, on ne peut faire perdre cette dame les avantages. La bonté du roi pour moi est inépuisable, madame, dit la favorite. Oh, s'écria du Barry, quelle tuile sur la tête de ces Saluces que je ne puis pas souffrir. Si j'offrais mes services à madame, reprit la vieille plaideuse, se dessinant de plus en plus, entraînée qu'elle était à la fois par son intérêt et par la comédie que l'on jouait avec elle, je ne considérerais pas le gain de mon procès, car enfin ce procès, que tout le monde regarde comme perdu aujourd'hui, sera difficilement gagné demain. Ah, si le roi le voulait pourtant, répondit le vicomte, se hâtant de combattre cette hésitation nouvelle. Eh bien, madame a raison, vicomte, dit la favorite, et je suis de son avis, moi. Vous dites, fit le vicomte, ouvrant des yeux énormes, je dis qu'il serait honorable pour une femme du nom de madame que le procès marchât comme il doit marcher. Seulement, nul ne peut entraver la volonté du roi, ni l'arrêter dans sa munificence. Et si le roi, ne voulant pas, surtout dans la situation où il est avec ses parlements, si le roi, ne voulant pas changer le cours de la justice, offrait à madame un dédommagement. « Honorable !» se hâta de dire le vicomte. « Oh oui, petite sœur, je suis de votre avis. »« Hélas !» fit péniblement la plaideuse. « Comment dédommager de la perte d'un procès qui enlève 200 000 livres ?»« Mais d'abord, » dit madame du Barry, « par un don royal de 100 000 livres, par exemple ?» Les deux associés regardaient rapidement leur victime. « J'ai un fils, » dit-elle. « Tant mieux. C'est un serviteur de plus pour l'État, un nouveau dévouement acquis au roi. » « On ferait donc quelque chose pour mon fils, madame, vous le croyez ?»« J'en réponds, moi, » dit Jean. « Et le moins qu'il puisse espérer, c'est une lieutenance dans les gendarmes. »« Avez-vous encore d'autres parents ?» demanda la favorite. « Un neveu. »« Eh bien, on inventerait quelque chose pour le neveu. » »« Et nous nous chargerions de cela, vicomte, vous qui venez de nous prouver que vous étiez plein d'inventions, » dit en riant la favorite. « Voyons, si sa majesté faisait pour vous toutes ces choses, madame, » dit le vicomte, qui, suivant le précepte d'Horace, poussé au dénouement, trouveriez-vous le roi raisonnable ? Je le trouverais généreux au-delà de toute expression, et j'offrirais toutes mes actions de grâce à madame, convaincue que c'est à elle que je dois tant de générosité. « Ainsi donc, madame, » demanda la favorite, « vous voulez bien prendre au sérieux notre conversation ?»« Oui, madame, au plus grand sérieux, » dit la vieille comtesse, toute pâle de l'engagement qu'elle prenait. « Et vous permettez que je parle de vous à sa majesté ?» « Faites-moi cet honneur, » répondit la plaideuse avec un soupir. « Madame, la chose aura lieu et pas plus tard que ce soir même, » dit la favorite en levant le siège. « Et maintenant, madame, j'ai conquis, je l'espère, votre amitié. »« La vôtre m'est si précieuse, » répondit la vieille dame en commençant ses révérences, « qu'en vérité, je crois être sous l'empire d'un songe. »« Voyons, récapitulons, » dit Jean, qui voulait donner à l'esprit de la comtesse toute la fixité dont l'esprit a besoin, pour mener à fin les choses matérielles. Voyons, 100 000 livres d'abord, comme des dédommagements, des frais de procès, de voyage, d'honoraires d'avocat, etc., etc. Oui, monsieur. Une lieutenance pour le jeune comte. Oh, ce lui serait une ouverture de carrière magnifique. Et quelque chose pour un neveu, n'est-ce pas? Quelque chose. On trouvera ce quelque chose. Je l'ai déjà dit, cela me regarde. Et quand aurai-je l'honneur de vous revoir, madame la comtesse? Demanda la vieille plaideuse. « Demain matin, mon carrosse sera à votre porte, madame, pour vous mener à Lucienne où sera le roi. Demain à 10 heures, j'aurai rempli ma promesse. Sa majesté sera prévenue et vous n'attendrez point. »« Permettez que je vous accompagne, » dit Jean offrant son bras à la comtesse. « Je ne le souffrirai point, monsieur, » dit la vieille dame. « Demeurez, je vous prie. » Jean insista. « Jusqu'au de l'escalier, au moins. »« Puisque vous le voulez, absolument. » Et elle prit le bras du vicomte. « Zamor !» appela la comtesse. Zamor accourut. Qu'on éclaire madame jusqu'au perron et qu'on fasse avancer la voiture de mon frère. Zamor partit comme un trait. En vérité, vous me comblez, dit madame de Béarn, et les deux femmes échangèrent une dernière révérence. Arrivé au haut de l'escalier, le vicomte Jean quitta le bras de madame de Béarn et revint vers sa sœur, tandis que la plaideuse descendait majestueusement le grand escalier. Zamor marchait devant. Derrière Zamor suivaient deux valets de pied portant des flambeaux. Puis venait madame de Béarn, dont un troisième laquais portait la queue un peu courte. Le frère et la sœur regardaient par une fenêtre, afin de suivre jusqu'à sa voiture cette précieuse marraine, cherchée avec tant de soin et trouvée avec tant de difficultés. Au moment où madame de Béarn arrivait au bas du perron, une chaise entrait dans la cour et une jeune femme s'élançait par la portière. « Ah, maîtresse Chon !» s'écria Zamor en ouvrant démesurément ses grosses lèvres. « Bonsoir, maîtresse Chon !» Madame de Béarn demeura un pied en l'air. Elle venait, dans la nouvelle arrivante, de reconnaître sa visiteuse, la fausse fille de maître Flageot. Du Barry avait précipitamment ouvert la fenêtre, et de cette fenêtre faisait des signes effrayants à sa sœur, qui ne le voyait pas. « Ce petit sot de Gilbert est-il ici ?» demanda Chon au laquais sans voir la comtesse. « Non, madame, » répondit l'un d'eux, « on ne l'a point vu. » Ce fut alors qu'en levant les yeux, elle aperçut les signaux de Jean. Et elle suivit la direction de sa main, qui était invinciblement étendue vers madame de Béarn. Jean la reconnut, jeta un cri, baissa sa coiffe et s'engouffra dans le vestibule. La vieille, sans paraître avoir rien remarqué, monta dans le carrosse et donna son adresse au cocher.